C'est Soldier Beats, made in unity. C'est Soldier Beats, made in unity. Yeah man, encore une wicked combinaison mec. Leroy Boy pour le Science Super Crew. Lord Bitume, Dr. Kilo pour K2R Idim. Ouais mec, on vient pour mash-up la place. On y va ou quoi? Sorry Dim, fais bouger ton body. Lord Bitume, moi même pas de Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R qui mash-up toute la nuit. Sorry Dim, fais bouger ton body. Lord Bitume, moi même pas de Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R qui mash-up toute la nuit. Sorry Dim, fais bouger ton body. Lord Bitume, moi même pas de Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R. On y va, on y va. Le temps que les bombes claquent s'installent sur le bon son des bombes vocales. Ils sont au bal car mes rafales leur fait l'effet d'une balle. Sur le mic à leur bitume qui revient tel un amiral. Pour leur plomber le cul qu'on avait prévenu qu'ils auraient mal. Ça vient de démarrer, well déjà tu te fais de la bile. Oui demeurer tu vas craquer, ça y est tu vas boule. Car quand je m'installe sur la boule de microphone, écoute, ils se télèment ma boule bad boy. Ils deviennent la fan, ça fait je roule ma bosse sur les rudis. Même sans temps d'un te poste, t'envoies des proses mais les car je ne suis plus un gosse. Indique je suis taquin, ton costel un rhino féroce. Hey hey, Lord have mercy. Sur Idim, fais bouger ton body. Lord Bitume, moi ma bonne Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R qui m'achète toute la nuit. Sur Idim, fais bouger ton body. Lire revient pour le Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R qui m'achète toute la nuit. Passe-moi le mic que je viens de mash-up la place. Je traque les nazes à la trace. J'ai la classe et le flow qui te laisse baigner dans ta crasse. Ici le sale gosse catch boy, non pas de mode clash. On a le style qui vous tapasse malement. Tu le sais fatalement, OP pour le ravalement. Yo, on a l'art et la manière de l'aborder. La meilleure des vibes de Panama au Caraïbe. On ramène l'official et sans détail. Ce soir c'est le bordel, on a le rythme qui duque. Tout le monde écoute, c'est K2R, L2RO, Y et leur bitume. Ce rythme fait bouger ton body. Leur bitume, on a pas de Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie, oui c'est K2R qui marche toute la nuit. Ce rythme fait bouger ton body. Docteur Kilo, regarde pas de Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie, oui c'est K2R. Mais je suis affamé, affamé. Donne-moi du son à manger. Assoiffé, assoiffé. La soirée ne fait que commencer. Ayo, ramène ton body, oublie tes soucis. Entre nous ce sera clair. Je sais être gentil, un bon gars poli. Avec les bonnes mains, yeah. Tu seras mon sushi, mon petit sashimi. Avec le wasabi, vert. Je vais te découper, puis te cuisiner comme un chef japonais. Yeah. Watashi wa anata ho, taberi masu choho. Watashi wa anata ho, taberi masu choho. Le rythme fait bouger ton body. L'orbitume, on a pas de Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R qui m'achète toute la nuit. Le rythme fait bouger ton body. Leroy revient pour le Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R qui m'achète toute la nuit. Le rythme fait bouger ton body. Docteur Kilo revient pour le Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R qui m'achète toute la nuit. Le rythme fait bouger ton body. L'orbitume, on a pas de Mikey. Pour tous les massifs qui sont bien Irie. Oui c'est K2R. L2ROY, Science Super, K2R et G. Hey, hey, hey, hey.